En Corée, dans la ville de Kaesong, ville limitrophe de la ligne de démarcation militaire, sont découverts des explosifs de toutes sortes dénonçant les crimes des impérialistes américains, ennemis jurés. Des dizaines de mines papillons, d'obus de mortiers et de grenades américains viennent d'être découverts dans le chantier de réaménagement du parc d'attractions du mont Sanam et de la place de Kaesong. Il a été vérifié que les mines papillons ont été larguées par les avions américains pendant la dernière guerre de libération de la patrie pour détruire tous les vestiges historiques et culturels dans la zone de Kaesong, surtout la porte du sud.